أليس في جهنم مثوى للكافرين. Quel pire injuste donc que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité quand elle lui vient. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants ? والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien ? Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Allah n'est-il pas puissant et détenteur du pouvoir de châtier ? قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Allah. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah ? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ses divinités pourraient dissiper son mal ? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde ? Dis, Allah me suffit, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. Dis, ô mon peuple, agissez selon votre méthode, moi j'agirai selon la mienne, bientôt vous saurez. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Sur qui s'abattra un châtiment qui l'avilira, et sur qui se justifiera un châtiment durable. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل.

mais la plupart d'entre eux ne savent pas. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ainsi parlaient ceux qui vécurent avant eux, mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Ils furent donc atteints par les mauvaises conséquences de leur acquis. Ceux de ces gens, les Mécois, qui auront commis l'injustice, seront atteints par les mauvaises conséquences de leur acquis. Et ils ne pourront s'opposer à la puissance d'Allah. Ne savent-ils pas qu'Allah attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut. Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevez alors aucun secours. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez. Avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs. » أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Ou qu'elle ne dise, si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. أو تقول حين ترى العذاب لو أن